C'est le prix orange et le prix citron avec notre ami Marc Diquet. Salut Marc. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Pas mal d'orange et citron cette semaine à décerner. On va commencer avec toi. C'est quoi ton prix? On va commencer direct avec le prix citron. Écoute, j'ai pas le choix. Là, ça va sonner vieux stock un peu parce que c'est arrivé au début de la semaine. Oui. Mais la situation chez les sénateurs d'Ottawa, c'est épouvantable. Puis moi, honnêtement, je pense que le prix citron dans ce dossier-là, moi, je le donne aux chauffeurs de taxi. Tu sais, les joueurs, Oui, eux autres, qui ventilent sur leur coach, là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, ça se fait on l'a partout, tous. ça. Ben oui, dans n'importe quel milieu, ça se fait, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, sauf ils se sont fait pincer. Puis, tu sais, dire que les joueurs auraient dû être prudents, puis tout, ben, peut-être. Mais, tu sais, c'est à Phoenix, là où le hockey est bon dernier. Oui, Puis, c'est le bon dernier chauffeur. salaire, là, ça. Ben, c'est ça, tu sais. C'est le chauffeur, moi, c'est vraiment ce gars-là que j'ai trouvé connard. Comme ça se peut pas de faire une affaire comme ça. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment, c'est cette semaine, moi, ce qui m'a marqué le plus, puis tout ce qui a suivi, puis tout le mal que ça a pu faire à Martin Raymond, sa famille, aux joueurs impliqués Exactement. là-dedans. Puis, tu sais, les joueurs qui étaient présents dans le taxi, qui n'ont rien dit, tu sais, il y a un malaise, là, qui s'est installé là, tu sais. Puis, mais ça prouve encore une fois, Ottawa, à quel point cette franchise-là, depuis qu'ils ont atteint la demi-finale, cette équipe-là va pas bien. Cette équipe-là, il y a comme un nuage noir au-dessus d'eux autres. T'sais, on parle de déménager. C'est pas fait encore, t'sais. Le projet des Plaines de Breton n'est pas approuvé. Ils n'ont pas de base de partisans solides non plus. C'est vraiment plat. Ben, ce qui arrive à Ottawa, c'est que, puis j'en parlais justement avec Nicolas Saint-Pierre, descripteur radiophonique, c'est qu'ils sont prêts à sandwich, hein. D'un côté, tu as Toronto, les partisans des Maple Leafs qui sont très forts, et de l'autre côté, tu as les Canadiens. T'sais, c'est pas comme les Nordiques où tu avais l'Est du Québec qui était pour les Nordiques, là, en Ah, ben grande ça. partie, t'sais. Ça, Danny, trompons-nous pas, par exemple. Si les Nordiques reviennent à Québec un jour, ce que je crois de moins en moins, Ben oui. tu sais, ceux qui ont vu les Nordiques jouer, là, Ils vont être. y en a de moins en moins. Exactement. Tu sais, puis si les Nordiques se mettent à perdre, là, parce qu'aujourd'hui, là, parce que, tu sais, moi, j'explique, là, le faible rendement dans les arrêts. Tu sais, les Sags ont fait un bilan cette semaine, 2 500 de moyenne, là, avec le début de saison qu'ils ont, les Sags. Moi, je trouve pas que c'est si merveilleux que ça, 2 500 de moyenne. Mais tu sais, puis les Marquis ont une bonne saison. Il n'y a pas tant de monde que ça non plus. Tu sais, le palais n'est pas plein, loin de là. Il y a du hockey gratis, tu vois, souvent à la TV. C'est ça qui fait le plus mal. C'est ça qui fait le plus mal, je pense, au hockey, là. Tu sais, quelque part. Ben, n'importe. Puis tous les sports. Tu sais, Dani, on a sensiblement le même âge, là. Les games des Nordiques à la TV, là. Il y en avait une par semaine. Te souviens-tu d'avoir déjà vu une game des Nordiques à Los Angeles, toi? Non, c'était à 4 saisons. Ouais. En dernier, il y avait RDS qui présentait. Des fois, tu pouvais en avoir deux par semaine. Parce que, rappelle-toi le conflit, hein, le Canadien avait les droits territoriaux, puis les Nordiques voulaient l'avoir pour l'Est du Québec, puis c'était pas impossible. Tu t'en rappelles-tu de ça? Ben oui, c'était quelque chose. Puis les droits étaient pas fous comme aujourd'hui, parce que. Là, les plus jeunes qui nous écoutent vont dire, mais voyons donc. Mais dans les années 80, là, puis début 90. T'avais pas RDS, t'avais pas TVA Sport. Ben, on n'avait pas tous les matchs du Canadien à TV, Non, là. non, non, non. Puis si les Nordiques reviennent un jour, Danny, là, surprends-toi pas si on est victime d'un blackout, on sera victime d'un blackout quand les billets seront pas tous vendus. Ben oui, c'est sûr, ça peut arriver. Ça peut fort bien arriver, comme dans la NFL. Ben oui, exactement. Même affaire. Comme dans la NFL. Donc, puis ça peut arriver à un moment donné. Puis ça peut même arriver à un moment donné, là, parce que, tu sais, c'est pas plein au Centre Bell actuellement, là. Ouais, mais ça, je penserais pas. Il y a trop de sous impliqués Ouais. là-dedans. Puis c'est. Tu sais, les droits de TV sont trop payants pour eux autres. Il faudrait vraiment Mais que non, c'est sûr. ça diminue, là. Ouais, effectivement. Donc, t'as-tu d'autres prix citron? Bon, je te dirais que c'est pas mal le système du musique cette semaine, vraiment, là. OK. Maintenant, ton prix orange, Matt. Ben, mon prix orange, là, j'en ai deux. Le Okay. premier, c'est Steve Bégin. Oui, c'est vrai. L'ancien joueur de hockey des Canadiens, entre autres. Là. Ça n'a pas rapport avec un événement sportif, vraiment. C'est que Steve Bégin, là, il a totalisé des gains de 7 millions en carrière. Normalement, quand tu gagnes 7 millions, là, tu ne devrais pas avoir trop d'autres problèmes d'argent pour l'avenir. Steve Bégin, qui a passé son secondaire 5 cette année, il l'a fait. Il l'a fait avec une application qui s'appelle Challenge You. Ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que le gars était pas obligé, là. Il était vraiment, Non, vraiment pas non, obligé de non. faire ça, absolument pas. Puis lui, en plus, il a étudié. C'est probablement dans les derniers gars vraiment là, où c'était peut-être plus tough d'avoir ton secondaire 5 dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, parce que bon, les études sont maintenant devenues beaucoup plus prioritaires, et puis c'est une bonne chose. Ouais. Mais tu sais, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Le gars est pas obligé, puis il le fait. Puis mon deuxième, c'est Benoît Graton, le coach des Marquis. Okay. Parce que les Marquis, bon, ils ont perdu hier, mais il y avait une belle séquence de victoire quand même. L'an passé, je le regardais aller, puis je n'étais pas certain que Benoît Graton avait ce qu'il faut pour être un coach dans cette ligue-là à long terme. Puis début de la saison, j'ai fait « Oh! » Mais là, il compose avec des blessés. Il y a une équipe, il doit rebâtir une chimie dans cette équipe-là qui a, beaucoup changé, qui a eu beaucoup de transactions. Puis honnêtement, Graton, je lève mon chapeau, là, il fait de l'excellent travail avec les Marquis. Oh, c'était pas facile. Vraiment. Il remplaçait Richard Martel, qui est un personnage, là. C'est un personnage aussi, là. Benoît Graton a de grosses chaussures à remplir, puis finalement absolument. À chausser, puis il l'a fait, là. Donc, absolument. Puis tu sais, il revenait d'une équipe où Richard Martel, souvenez-vous, le dernier match, il coachait avec les Marquis. Ouais. Ils ont gagné la coupe. Ouais. Tu sais, c'était pas nécessairement évident non plus, mais je pense qu'il le fait, puis il le fait bien. Puis je sais pas s'il fait qu'il y a moins de coéquipiers avec qui il a joué. Dans cette année, il y en a un petit peu moins. Je ne sais pas si ça l'aide. Plus facile à se faire respecter, peut-être. Ben, ça peut. Tu sais, le respect, c'est pour ça plus facilement dans ce temps-là. Ben, effectivement. Mais pour revenir à Steve Bégin, je veux te dire que j'ai fait une entrevue avec, puis lui, là, ce qu'il disait à l'époque, c'était au printemps, là, qu'il disait, regarde, comment veux-tu que je demande à ma fille de faire des efforts à l'école si moi, j'en fais pas? Ah, c'est sûr. Tu sais, non, il était très cohérent, puis bravo, hein, t'as vraiment un très, très beau prix orange là, que j'y avais même pas pensé, parce que c'est pour ça qu'on fait on échange nos prix orange et citron. Moi, mon prix citron, c'est les Alouettes de Montréal, encore une fois, mais pas pour les raisons que vous allez dire, parce que tu sais qu'ils vont rénover, encore une fois, le stade Percival Molson pour réduire les sièges, donc de 25 000 à 20 000 sièges. On dit que c'est pour améliorer le feeling du client, pour améliorer l'expérience client. Sauf que ça fait pas longtemps qu'on a augmenté ça à 25 000 sièges. Là. Et ça a coûté 19 millions au gouvernement du Québec avec la Ville de Montréal pour faire ça. Me semble qu'à quelque part, s'ils font ça, il y a rien qu'à gagner, puis ça, c'est facile à remplir. Un match aux deux semaines, là. Ouais, mais hey, 25 000, c'est du stock, là. Ouais, mais ils l'ont déjà fait, là, au moins 22-23 000. Pourquoi? Ça, normalement, ils le font en série. Ils font des éliminatoires quand on se retrouve du côté du stade. Là. Ouais. Mais, écoute, moi, honnêtement, Danny, je pense pas. En tout cas, techniquement parlant, je pense pas de mauvaise idée. C'est sûr qu'il y avait eu des sommes investies là-dedans. Là. Ben ouais. Mais techniquement parlant, je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise idée, là. Bon, en tout cas, moi je trouve ça ridicule. Compte tenu que 25 000 sièges, moi, je pense que c'est assez facile à remplir. Ça, on n'est pas d'accord avec un bon marketing, des victoires et ainsi de suite. Mais ça fait tellement d'années que les alouettes croupissent des bas-fonds. Puis à part de ça, ça va être dur encore à remplir l'année prochaine les billets de saison quand Kevin Street va être revenu. Hein. Oublie pas, là. On a diminué les billets, c'est pas pour rien. Non, puis tu sais, à Montréal, là, côté offre, là. Il y a des festivals l'été. Ouais. Ça joue l'été aussi, là. Ouais. Faut oublier. Il y a des festivals, il y a plein de choses à faire. Tu sais, c'est 25 000. Mais ils ont déjà fait. Ouais, mais si les expos reviennent, là, t'as sûr qu'il va y avoir grand 25 000 souvent, moi non plus, là. Au centre-ville, avec une belle promotion, si tu fais ça comme t'es allé à des matchs aux États-Unis, Marc, aussi, tu vois qu'il y a des feux d'artifice. Il n'y a pas juste le baseball, dans bien des cas, à des matchs. Moi, j'avais été à Cleveland et à Détroit, puis il y avait un méga feu d'artifice après ça. Tu peux organiser des show rock après ça. Tu peux organiser un paquet d'affaires avec le match, en complémentaire avec le match. Puis ça va être facile à remplir. Puis n'oublie pas qu'au centre-ville de Montréal, ça va être beaucoup plus facile là, pour que plus que dans l'Est de Montréal avec le Stade olympique. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, okay. On verra là-dessus. Mon autre prix citron, ben là je sais que t'es pas d'accord. On en a parlé avant de rentrer en onde. C'est la Ligue nord-américaine de hockey qui hier a annoncé que Berlin, la Ligue, rachetait l'équipe. Moi, ce que je trouve ridicule, là tu me dis, ouais, mais ils l'ont essayé, mais au moins ils auraient pu toffer l'année. Tu sais, ça fait pas sérieux qu'après seulement un mois qu'on arrête les hostilités, là. Ça fait pas sérieux, sauf que si tu t'offres un mois et que tu te ramasses dans le trou autant comme autant, là, c'est pas mieux non plus, là. Mais ça, il aurait pas dû prévenir ça. Mais on voulait faire une ligue à tout prix aussi, hein. Puis ça a été confirmé, si je me rappelle bien, c'était confirmé en juillet. Oh oui. On veut, dans cette ligue-là, on veut absolument avoir 6 équipes. Si t'as pas un minimum de 6 équipes, là, tu ne veux pas aller plus loin dans cette ligue-là. Moi, honnêtement, c'est sûr que pour les séries, ça te prend 6 clubs, ça fait bien, tu sais. Mais, tu sais, moi, ce que j'entends comme rumeur, c'est que l'équipe pourrait déménager à Saint-Jérôme très prochainement. OK. Fait que, tu sais, s'ils font ça, c'est peut-être un mal pour un bien, là, rendu là, tu sais, parce que Saint-Jérôme, il y a du monde, il y a du monde pas mal qui habite là. Avec Elgin 3, ça allait bien dans le temps du multiconscient, ça allait bien. Tu sais, puis, ben, c'est ça. Tu sais, fait que moi, je pense que ça, si l'équipe est pour déménager rapidement, que ce soit Saint-Jérôme ou ailleurs, moi, je pense que ça pourrait être un bon élément, ça pourrait être, tu sais. Parce que Berlin, actuellement, Berlin, je pense, l'équipe demeure pareille, elle n'est pas dissoute. Non, il n'y a pas de solution. Au moment où on se parle, il n'y a pas de solution. Okay. Moi, je pense qu'ils vont essayer. Parce que c'est pas la première fois qu'une équipe serait relocalisée pendant l'année. Alors, il y a quelques années, ça avait fait la même chose avec Valleyfield, qui était parti du côté de Laval. OK. Puis est-ce qu'on pourrait. Si l'équipe. Tu sais, l'an passé, ils ont essayé autant comme autant avec Trois-Rivières. Puis Trois-Rivières, le gars est arrivé là, le gars qui a acheté l'équipe, qui est le propriétaire du Cycle Géant. Il voulait mettre la voie et go pour. On part en bas, ça n'a pas marché. Tu sais, moi, je dis pas, si, je sais pas, moi, Lévis avait levé la main, s'il y a plein de villes qui avaient levé. C'était la candidature idéale, Lévis. Tu sais, mais il n'y a personne qui lève la main. Fait qu'ils ont essayé avec Berlin, malheureusement. Moi aussi, je doutais de Berlin. Puis, souviens-toi, Danny, l'été passé, ça parlait de Robert Val. Moi, j'étais le premier à dire, non, Robert Val, ça n'a pas d'allure. C'est arrivé à la même situation. Il serait arrivé la même chose. À moins que l'équipe gagne tous ses matchs, tu sais. Bonne chance rendu là. Mais ça aurait peut-être été moins pour le transport, mais bref, Robert Val, on savait dès le départ que c'était ridicule. Ben, Robert Val, ouais, mais pour un gars de Montréal, puis un gars de l'Ouest, c'est pas mal moins pire à la Berlin qu'à la Montréal, qu'à la Robert Val. Effectivement. Mon prix orange maintenant, c'est Valérie Maltais. Ouais. Valérie Maltais qui a fait le switch, c'était pas le changement important de sa carrière, ça allait un petit peu. Les blessures ont fait en sorte que ça traînait aux courtes pistes. Puis c'était quand même un pari assez risqué d'aller aux longues pistes. Fait que, puis elle a réussi son pari. Donc bravo à Valérie Maltais. Je pense que ça va être intéressant. Puis je pense qu'elle va prolonger sa carrière avec ce changement-là. Oui, puis regarde l'âge des athlètes qui performent bien dans les longues pistes. Ce n'est pas des jeunes poulets du printemps. Je ne dis pas que Valérie est bien. Elle n'a pas encore 30 ans. Ouais. Mais elle peut avoir quand même un peu. Elle peut arriver au prochain jeu, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Après, on verra. Mais tu vois, c'est une passionnée. Elle a le goût de continuer. En plus, son amoureux est là-dedans. Fait que tu sais pourquoi pas en jouer. Oui, effectivement. Donc, Valérie Maltais, mon prix orange. Marc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. On se reprend? Yes. Donc, Marc Disquet de Radio X, Saguenay.